Les fêtes. Ah, que ce mot rappelle le souvenir. Les fêtes, je les aimais tant. Vous saviez si bien m'expliquer, ma mère chérie, tous les mystères cachés sous chacune d'elles, que c'était vraiment pour moi des jours du ciel. J'aimais surtout les processions du Saint-Sacrement. Quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu. Mais avant de les y laisser tomber, je les lançais le plus haut que je pouvais. Et je n'étais jamais aussi heureuse qu'en voyant mes roses effeuillées toucher l'ostensoir sacré. Les fêtes. Ah, si les grandes étaient rares, chaque semaine en ramenait une bien chère à mon cœur, le dimanche. Quelle journée que celle du dimanche. C'était la fête du bon Dieu, la fête du repos. D'abord, je restais dans le dodo plus longtemps que les autres jours. Et puis, maman Pauline gâtait sa petite fille, lui apportant son chocolat dans son dodo. Ensuite, elle l'habillait comme une petite reine. Ma reine venait friser Filleule, qui n'était pas toujours gentille quand on lui tirait les cheveux. Mais ensuite, elle était bien contente d'aller prendre la main de son roi, qui, ce jour-là, l'embrassait encore plus tendrement qu'à l'ordinaire. Puis toute la famille partait à la messe. Tout le long du chemin, et même dans l'église, la petite reine à papa lui donnait la main. Sa place était à côté de lui, et quand nous étions obligés de descendre pour le sermon, il fallait trouver encore deux chaises l'une auprès de l'autre. Ce n'était pas bien difficile. Tout le monde avait l'air de trouver cela si gentil de voir un si beau vieillard avec une si petite fille que les personnes se dérangeaient pour donner leur place. Mon oncle, qui se trouvait au banc des marguilliers, se réjouissait de nous voir arriver. Il disait que j'étais son petit rayon de soleil. Moi, je ne m'inquiétais guère d'être regardée, écoutant bien attentivement les sermons, auxquels cependant je ne comprenais pas grand-chose. Le premier que je compris et qui me toucha profondément fut un sermon sur la Passion, prêché par M. Ducellier, et depuis je compris tous les autres sermons. Quand le prédicateur parlait de Sainte Thérèse, papa se penchait et me disait tout bas « Écoute bien, ma petite reine, on parle de ta sainte patronne. » J'écoutais bien, en effet, mais je regardais papa plus souvent que le prédicateur. Sa belle figure me disait tant de choses. Parfois, ses yeux se remplissaient de larmes qu'il s'efforçait en vain de retenir. Il semblait déjà ne plus tenir à la terre, tant son âme aimait à se plonger dans les vérités éternelles. Cependant, sa course était bien loin d'être achevée. De longues années devaient s'écouler avant que le beau ciel s'ouvrît à ses yeux ravis et que le Seigneur essuyât ses larmes de son bon et fidèle serviteur. Cependant, sa course était bien loin d'être achevée. De longues années devaient s'écouler avant que le beau ciel s'ouvrît à ses yeux ravis et que le Seigneur essuyât les larmes de son bon et fidèle serviteur. Mais je reviens à ma journée du dimanche. Cette joyeuse journée qui passait si rapidement avait bien sa teinte de mélancolie. Je me souviens que mon bonheur était sans mélange, jusqu'accompli. Pendant cet office, je pensais que le jour du repos allait finir, que le lendemain, il faudrait recommencer la vie, travailler, apprendre des leçons, et mon cœur sentait l'exil de la terre. Je soupirais après le repos éternel du ciel, le dimanche sans couchant de la patrie. Il n'est pas jusqu'aux promenades que nous faisions avant de rentrer au Buissonnet qui ne laissait un sentiment de tristesse dans mon âme. Alors la famille n'était plus au complet, puisque pour faire plaisir à mon oncle, papa lui laissait le soir de chaque dimanche Marie ou Pauline. Seulement, j'étais bien contente quand je restais aussi. J'aimais mieux cela que d'être invitée toute seule, parce qu'on faisait moins attention à moi. Mon plus grand plaisir était d'écouter tout ce que mon oncle disait, mais je n'aimais pas qu'il m'interroge, et j'avais bien peur quand il me mettait sur un seul de ses genoux, en chantant Barbe Bleue d'une voix formidable. C'était avec plaisir que je voyais papa venir nous chercher. En revenant, je regardais les étoiles qui scintillaient doucement, et cette vue me ravissait. Il y avait surtout un groupe de perles d'or que je remarquais avec joie, trouvant qu'il avait la forme d'un T. Je le faisais voir à papa en lui disant que mon nom était écrit dans le ciel. Et puis, ne voulant rien voir de la vilaine terre, je lui demandais de me conduire. Alors, sans regarder où je posais les pieds, je mettais ma petite tête bien en l'air, ne me lassant pas de contempler l'azur étoilé. Que pourrais-je dire des veillées d'hiver, surtout celles du dimanche? Ah, qu'il m'était doux, après la partie de Damier, de m'asseoir avec Céline sur les genoux de papa. De sa belle voix, il chantait des airs remplissant l'âme de pensées profondes. Ou bien, nous berçant doucement, il récitait des poésies empreintes des vérités éternelles. Ensuite, nous montions pour faire la prière en commun, et la petite reine était toute seule auprès de son roi. n'ayant qu'à le regarder pour savoir comment prit les seins. À la fin, nous venions toutes par rang d'âge dire bonsoir à papa et recevoir un baiser. La reine venait naturellement la dernière. Le roi, pour l'embrasser, la prenait par les coudes et celle-ci s'écriait bien haut : « Bonsoir papa, bonne nuit, dors bien. » C'était tous les soirs la même répétition. Ensuite, ma petite maman me prenait entre ses bras et m'emportait dans le lit de Céline. Alors je disais : « Pauline, est-ce que j'ai été bien mignonne aujourd'hui ? Est-ce que les petits anges vont voler autour de moi ? » Toujours la réponse était oui. Autrement, j'aurais passé la nuit tout entière à pleurer. Après m'avoir embrassée ainsi que ma chère marraine, Pauline redescendait et la pauvre petite Thérèse restait toute seule dans l'obscurité. Elle avait beau se représenter les petits anges volant autour d'elle, la frayeur la gagnait aussitôt. Les ténèbres lui faisaient peur, car elle ne voyait pas de son lit les étoiles qui scintillaient doucement. Je regarde comme une vraie grâce d'avoir été habituée par vous, ma mère chérie, à surmonter mes frayeurs. Parfois, vous m'envoyez seule, le soir, chercher un objet dans une chambre éloignée. Si je n'avais pas été si bien dirigée, je serais devenue très peureuse, au lieu que maintenant je suis vraiment difficile à effrayer. Je me demande parfois comment vous avez pu m'élever avec tant d'amour et de délicatesse sans me gâter, car il est vrai que vous ne me passiez pas une seule imperfection. Jamais vous ne me faisiez de reproches sans sujet, mais jamais vous ne reveniez sur une chose que vous aviez décidée. Je le savais si bien que je n'aurais pas pu ni voulu faire un pas si vous me l'aviez défendu. Papa lui-même était obligé de se conformer à votre volonté. Sans le consentement de Pauline, je n'allais pas me promener et quand papa me disait de venir, je répondais « Pauline ne veut pas ». Alors il venait demander ma grâce. Quelquefois, pour lui faire plaisir, Pauline disait oui, mais la petite Thérèse voyait bien à son air que ce n'était pas de bon cœur. Elle se mettait à pleurer sans accepter de consolation. Jusqu'à ce que Pauline dise « oui » et l'embrasse de bon cœur. Lorsque la petite Thérèse était malade, ce qui lui arrivait tous les hivers, il n'est pas possible de dire avec quelle tendresse maternelle elle était soignée. Pauline la faisait coucher dans son lit, faveur incomparable, et puis elle lui donnait tout ce dont elle avait envie. Un jour, Pauline tira de dessous le traversin un joli petit couteau à elle, et le donnant à sa petite fille, la laissa plonger dans un ravissement qui ne peut se décrire. « Ah, Pauline, s'écria-t-elle, tu m'aimes donc, bien que tu te prives pour moi de ton joli petit couteau qui a une étoile en nacre. Mais puisque tu m'aimes tant, ferais-tu bien le sacrifice de ta montre pour m'empêcher de mourir ?»« Non seulement pour t'empêcher de mourir, je donnerai ma montre, mais seulement pour te voir bientôt guérie, j'en ferai tout de suite le sacrifice. » En écoutant ces paroles de Pauline, mon étonnement et ma reconnaissance étaient si grands que je ne puis les exprimer. En été, j'avais quelquefois mal au cœur. Pauline me soignait encore avec tendresse. Pour m'amuser, ce qui était le meilleur de tous les remèdes, elle me promenait en brouette tout autour du jardin. Et puis, me faisant descendre, elle mettait à ma place un joli petit pied de pâquerette qu'elle promenait avec bien de la précaution jusqu'à mon jardin, où il prenait place en grande pompe. C'était Pauline qui recevait toutes mes confidences intimes, qui éclaircissait tous mes doutes. Une fois, je m'étonnais de ce que le bon Dieu ne donne pas une gloire égale dans le ciel à tous les élus. Et j'avais peur que tous ne soient pas heureux. Alors Pauline me dit d'aller chercher le grand verre à papa et de le remplir à côté de mon tout petit dé. Et de le mettre à côté de mon tout petit dé, puis de les remplir d'eau. Ensuite, elle me demanda lequel était le plus plein. Je lui dis qu'ils étaient aussi pleins l'un que l'autre et qu'il était impossible de mettre plus d'eau qu'ils n'en pouvaient contenir. Ma mère chérie me fit alors comprendre qu'au ciel, le bon Dieu donnerait à ses élus autant de gloire qu'ils en pourraient porter et qu'ainsi le dernier n'aurait rien à envier au premier. C'était ainsi que mettant à ma portée les plus sublimes secrets, vous saviez, ma mère, donner à mon âme la nourriture qui lui était nécessaire. Avec quelle joie je voyais chaque année arriver la distribution des prix. Là, comme toujours, la justice était gardée, et je n'avais que les récompenses méritées toutes seules, debout au milieu de la noble assemblée. J'écoutais ma sentence lue par le roi de France et de Navarre. Le cœur me battait bien fort en recevant les prix et la couronne. C'était pour moi comme une image du jugement. Aussitôt après la distribution, la petite reine quittait sa robe blanche. Puis on se dépêchait de la déguiser afin qu'elle prenne part à la grande représentation. Ah, comme elles étaient joyeuses, ces fêtes de famille! Comme j'étais loin alors en voyant mon roi chéri si radieux de prévoir les épreuves qui devaient le visiter. Un jour, cependant, le bon Dieu me montra dans une vision vraiment extraordinaire l'image vivante de l'épreuve qu'il se plaisait à nous préparer d'avance. Papa était en voyage depuis plusieurs jours. Il devait encore s'en écouler deux avant son retour. Il pouvait être 2 ou 3 heures de l'après-midi. Le soleil brillait d'un vif éclat et toute la nature semblait en fête. Je me trouvais seule à la fenêtre d'une mansarde donnant sur le grand jardin. Je regardais devant moi, l'esprit occupé de pensées riantes, quand je vis devant la buanderie qui se trouvait juste en face, un homme absolument vêtu comme papa, ayant la même taille et la même démarche, seulement il était beaucoup plus courbé. Sa tête était couverte d'une espèce de tablier de couleur indécise, en sorte que je ne pus voir son visage. Il portait un chapeau semblable à ceux de papa. Je le vis s'avancer d'un pas régulier, longeant mon petit jardin. Aussitôt, un sentiment de frayeur surnaturelle envahit mon âme. Mais en un instant, je réfléchis que sans doute papa était de retour et qu'il se cachait afin de me surprendre. Alors j'appelai bien haut, d'une voix tremblante d'émotion, « Papa, papa !» Mais le mystérieux personnage, ne paraissant pas m'entendre, continua sa marche régulière sans même se détourner. Le suivant des yeux, je le vis se diriger vers le bosquet qui coupait la grande allée en deux. Je m'attendais à le voir réapparaître de l'autre côté des grands arbres, mais la vision prophétique s'était évanouie. Tout ceci ne dura qu'un instant, mais se grava si profondément en mon cœur qu'aujourd'hui, après 15 ans, le souvenir m'en est aussi présent que si la vision était encore devant mes yeux. Marie était avec vous, ma mère, dans une chambre communiquant avec celle où je me trouvais. M'entendant appeler papa, elle ressentit une impression de frayeur, sentant, m'a-t-il dit depuis, qu'il devait se passer quelque chose d'extraordinaire. Sans me laisser voir son émotion, elle accourut auprès de moi, me demandant ce qui me prenait d'appeler papa qui était à Alençon. Je racontais alors ce que je venais de voir. Pour me rassurer, Marie me dit que c'était sans doute Victoire qui, pour me faire peur, s'était caché la tête avec son tablier. Mais interrogée, Victoire assura n'avoir pas quitté sa cuisine. D'ailleurs, j'étais bien sûre d'avoir vu un homme et que cet homme avait la tournure de papa. Alors nous allâmes toutes les trois, derrière le massif d'arbres. Mais n'ayant trouvé aucune marque indiquant le passage de quelqu'un, vous m'avez dit de ne plus penser à cela. Ne plus y penser n'était pas en mon pouvoir. Bien souvent, mon imagination me représenta la scène mystérieuse que j'avais vue. Bien souvent, j'ai cherché à lever le voile qui m'en dérobait le sens, car j'en gardais au fond du cœur la conviction intime. Cette vision avait un sens qui devait m'être révélé un jour. Ce jour s'est fait longtemps attendre, mais après 14 ans, le bon Dieu a lui-même déchiré le voile mystérieux. Étant en licence avec Sœur Marie du Sacré-Cœur, nous parlions comme toujours des choses de l'autre vie et de nos souvenirs d'enfance, quand je lui rappelais la vision que j'avais eue à l'âge de 6 à 7 ans. Tout à coup, en rapportant les détails de cette scène étrange, nous comprîmes en même temps ce qu'elle signifiait. C'était bien papa que j'avais vu, s'avançant courbé par l'âge. C'était bien lui portant sur son visage vénérable, sur sa tête blanchie, le signe de sa glorieuse épreuve. Comme la face adorable de Jésus qui fut voilée pendant sa passion, ainsi la face de son fidèle serviteur devait être voilée au jour de ses douleurs, afin de pouvoir rayonner dans la céleste patrie, auprès de son Seigneur le Verbe éternel. C'est du sein de cette gloire ineffable, alors qu'il régnait dans le ciel, que notre Père chéri nous a obtenu la grâce de comprendre la vision que cette petite reine avait eue à un âge où l'illusion n'est pas à craindre. C'est du sein de la gloire qui nous a obtenu cette douce consolation, de comprendre que 10 ans avant notre grande épreuve, le bon Dieu nous la montrait déjà, comme un père fait entrevoir à ses enfants l'avenir glorieux qu'il leur prépare, et se complaît à considérer d'avance les richesses sans prix qui doivent être leur partage. Ah, pourquoi est-ce à moi que le bon Dieu a donné cette lumière? Pourquoi a-t-il montré à une enfant si petite une chose qu'elle ne pouvait pas comprendre? Une chose qui, si elle l'avait comprise, l'aurait fait mourir de douleur. Pourquoi? C'est là un de ces mystères que, sans doute, nous comprendrons dans le ciel et qui fera notre éternelle admiration. Que le bon Dieu est bon. Comme il proportionne les épreuves aux forces qu'il nous donne. Jamais, comme je viens de le dire, je n'aurais pu supporter même la pensée des peines amères que l'avenir me réservait. Je ne pouvais pas même penser sans frémir que papa pouvait mourir. Une fois, il était monté sur le haut d'une échelle et comme je restais juste en dessous, il me cria « Éloigne-toi, pauvre petite, si je tombe, je vais t'écraser. » En entendant cela, je ressentis une révolte intérieure. Au lieu de m'éloigner, je me collais contre l'échelle en pensant « Au moins, si papa tombe, je ne vais pas avoir la douleur de le voir mourir puisque je vais mourir avec lui. » Je ne puis dire ce que j'aimais papa. Tout en lui me causait de l'admiration. Quand il m'expliquait ses pensées, comme si j'avais été une grande fille, je lui disais naïvement que bien sûr, S'il disait tout cela aux grands hommes du gouvernement, ils le prendraient pour le faire roi, et qu'alors la France serait heureuse comme elle ne l'avait jamais été. Mais dans le fond, j'étais contente et me le reprochais comme une pensée d'égoïsme, qu'il n'y ait que moi, à bien connaître papa. Car s'il était devenu roi de France et de Navarre, je savais qu'il aurait été malheureux, puisque c'est le sort de tous les monarques. Et surtout, il n'aurait plus été mon roi à moi toute seule.